fume avec des Nike Air. Sweat à capuche, casquette en arrière. J'arrive à 2,40, rap à fond dans ma caisse. Laissez-moi représenter la thèse. Mes négros, mes négresses, mes rebeux, mes beurrettes, mes babes ou mes blanchettes, mes coulées, les youves, mes zoulous, mes zoulettes. J'reste anti-poulet, dès le premier couplet, l'album s'annonce poulet. Entre haineux et faux frères, je zigzag. J'fais des liards, gros stars, les Big Mac. J'suis un primate, croisé avec un pirate qui rappe sur des prods qui claquent. Clic-clac, cicatrice dans les packs, dans les funnels, dans les boîtes, dans les govas, dans les halls et dans les charts. Parti de rien pour finir PDG. MC, j'arrive sur toi comme un TGV. Ça fait 2 ans que t'attendais. Neige et flocons de rimes, c'est la tempête. Un déluge de punchline, mets ton K.O.N. L'ouragan Kennedy arrive sur le rap français. Tu doutais, fallait pas, j'suis là gros. Hélicoptère, gyrophare, c'est pour moi gros. 6 étoiles, ta GTA, t'inquiète pas gros. Ouais j'suis là gros, ouais j'suis là gros. Menottes Dior, fusil à lunettes, quartier. J'avance pas au pied, les rappeurs veulent me tacler. J'suis là pour les 10 prochaines années. J'suis le dernier CLS, 9-4 AMG. Mon passé masqué, mon avenir est tracé. Ma vie fait fantasmer les tasses et le quartier. Les fans veulent me flasher. J'm'en tape d'être une star et j'suis fâché. Armé, bien sûr, elle est chargée. J'écoute personne à part mon iPod. J'vendrai de la coke, t'achètes pas mon album. Car le système fait souffrir mes frères. Pour montrer qu'il sent chaud, j'pourrais m'ouvrir les veines. Nique le caviar, j'préfère bouffer des grecs. J'm'en fous des autographes, j'préfère signer des chèques. Sauriez-tu me laisser mes chaînes? C'est un massacre, j'suis un loup parmi les chaînes. Ça fait 2 ans que t'attendais. Neige et flocons de rimes, c'est la tempête. Un déluge de punchline, mets ton K.O.N. L'ouragan Kennedy arrive sur le rap français. Tu doutais, fallait pas, j'suis là gros. Hélicoptère, gyrophare, c'est pour moi gros. 6 étoiles, ta GTA, t'inquiète pas gros. Ouais j'suis là gros, ouais j'suis là gros. Je m'attendais, ça faisait long time hein. Plus la peine de me chercher, j'suis là hein. Kennedy, l'ouragan, cicatrice. Petit prince du 9-4. J'inscris Villeneuve sur la carte. Je réclame un ministère pour les mecs de thèse. Je connais la rue par cœur mieux qu'un GPS. Ça fait 2 ans que t'attendais. Neige et flocons de rimes, c'est la tempête. Un déluge de punchline, mets ton K.O.N. L'ouragan Kennedy arrive sur le rap français. Tu doutais, fallait pas, j'suis là gros. Hélicoptère, gyrophare, c'est pour moi gros. 6 étoiles, ta GTA, t'inquiète pas gros. Ouais j'suis là gros, ouais j'suis là gros. Ça fait 2 ans que t'attendais. Neige et flocons de rimes, c'est la tempête. Un déluge de punchline, mets ton K.O.N. L'ouragan Kennedy arrive sur le rap français. Tu doutais, fallait pas, j'suis là gros. Hélicoptère, gyrophare, c'est pour moi gros. 6 étoiles, ta GTA, t'inquiète pas gros. Ouais j'suis là gros, ouais j'suis là gros.